J'avais oublié à quel point on se sent petit. Dans les yeux d'un enfant, plus rien ne compte, juste sa vie. J'avais mis de côté tous ces instants qu'on croit acquis. Ces instincts qu'on découvre, avec toi je grandis moi aussi. Et voilà qu'à nouveau, je fais des projets dans ma vie. Pour te laisser du beau, rien que de l'amour, mais aussi. Je me prends à rêver qu'un jour tu voudras partager ce qui de près ou de loin dans ma vie a compté. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attendais pas. Ce merveilleux cadeau tombé du ciel, celui d'en vrai, tous les papas. Il y a tellement de choses que j'aimerais te raconter. Pour te donner la force, le courage de tout affronter. Si je peux te transmettre ce formidable goût d'aimer, de tous les hommes je serai le plus heureux, le plus comblé. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attendais pas. Ce merveilleux cadeau tombé du ciel, celui dont rêvent tous les papas. Je serai pour toi le père, celui sur qui tu peux compter. Tout ce que tu espères, je promets de te le donner. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attendais. Ce merveilleux cadeau tombé du ciel, celui dont rêvent tous les papas. Toi mon amour, ma vie, mon étincelle, je suis le plus heureux, tu vois.